suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she sings, she wants every word. She's a vampire free. So deep in her town, she's a vampire free. And the little night you'll know you're gone. Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 99e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque comme toutes les semaines dans votre salon. C'est la Vampire Freaks et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire. Il n'y aura pas de spécial centième puisque j'ai déjà fait une spéciale pour la 98, mais bon, je ferai des spéciales dédicaces et choses comme ça. On commencera tout de suite avec I Just Wanna Rock de Revenge. C'est sur l'album Fest of Revenge, sorti en 2014. On retrouve Face to Face, Keep the Fire Burning et Scream, un classique de chez classique. On continuera avec une nouveauté, Falling in Love de Alice Cooper. C'est sur l'album Paranormal, son 27e album studio, sorti le 28 juillet 2017. On retrouve Dead Flies, Fireball et Rats, notamment. Les six derniers titres de l'album sont en live. On continuera avec La Voix de son mal-être de Charge 69. C'est sur l'album Résistance électrique, sorti le 6 avril 2011. On retrouve Légitime Vengeance, Le Crépuscule des damnés et Bangster, un magnifique album. Allez sur la page Facebook de Charge 69, c'est du très bon son. On continuera avec Get It Started de Beatdown. C'est sur l'album Walking Proud, sorti en 2012. On retrouve Long Road, The Other Side et Running Award. Un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Before the War de Halloween. C'est sur l'album The Time of the Owl, leur 7e album, sorti le 29 février 1996. On retrouve We Burn, Power et If I Knew. Ben, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Yeah. Yeah. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. It's time to relax with a nice little ballad from the Time of the Old album. This one is called Before the War. Seventh War. I'm a child. Grattoli. Come on, sing along with me a little bit. Et vous êtes toujours dans la 99e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter I Just Wanna Rock de Revenge, Fallen in Love, le nouveau Alice Cooper, La Voix de son mal-être de Charge 69. On a continué avec Get It Started de Beatdown et on a fini ce bloc en live avec Before the War de Halloween. On continuera cette émission avec une nouveauté, Anger, le nouveau Jubilam. C'est sur l'album Evolution of Mine, leur premier EP concept 4 titres. Sorti le 27 octobre 2017, Denied, on retrouve Anger, Expression, Depression et Acceptance. Allez sur la page Facebook de Jubilam, ils sont aussi sur Bandcamp. On continuera avec Allez, un grand classique, je dirais même du son culte en vinyle, Backdoor Man de Doors. C'est sur l'album The Doors, sorti le 4 janvier 1967. On retrouve Break On Through to the Other Side de Crystal Ship et The End du son culte. On continuera avec une nouveauté et je dirais même une exclusivité. Avec le morceau Holland du groupe Holland, c'est le premier single qui vient de sortir sur Bandcamp. Des nouvelles très vite, allez sur la page Facebook de Holland. C'est Ellie, la chanteuse de Mobius, qui est au chant sur ce projet d'album. On continuera avec Choice Is Your de Stick Figure et Slightly Stupid. C'est sur l'album Set in Stone, sorti le 13 novembre 2015. On retrouve Fire on the Horizon, Out of the Door et All My Love. J'ai ouï dire qu'il rentrait en studio, c'est une affaire à suivre. C'est bon ça, Stick Figure, je sais pas si vous connaissez. Et on continuera, et je dirais même on finira ce bloc en live avec un autre grand classique, We Will Rock You en live de Queen. C'est sur Live Killer, sorti le 22 juin 79. Pour petite info, cette version là c'est la version la plus rapide qui existe de We Will Rock You. On retrouve sur cet album Death on Two Legs, Now I'm Here et Bohemian Rhapsody. Voilà du son culte. We'll be right back. I can breathe. it's your dinner, it's your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Thank you. port, let your rev light shine. And it don't cost the penny, nickel or dime. Give a little love and give a little lead the way that it goes. What goes around, say come around, so everyone know. What you give is what you get, so take a look, cause it's sure. Picking up your brother in the time you feel the low. Picking up a challenge from last week, Papa Kalu. Moving up the best and up the left and I grew. When I'm smoking, I must let the burn it fast, I like it slow. Moving up in the style of the fashion, I'm so every time another door is closed, moving to the light and from the dark now exposed. When I'm reaching to the sky, just spread it out and let it grow. Never do one thing because somebody say you know. Thank you. Évidemment, Freddy, qu'on est ready pour rock'n'roll. On vient de s'écouter Anger, le nouveau Jubilam, Backdoor Man en vinyle des Doors. Ah oui, ça craque, ça croustille, ça culte, c'est excellent. On a continué avec Olan, une nouveauté et une exclusivité du groupe Olan. Choice Is Your de Stick Figure et Slightly Stupid. Et on a fini ce bloc en live avec We Will Rock You de Queen. On continuera cette émission avec une nouveauté, c'est Kurt, la fille aux cheveux bleus. C'est sur l'album, un EP qui vient de sortir. On retrouve la fille aux cheveux bleus et Bambino. Allez sur la page Facebook de Kurt. Et on parle pas mal d'eux en ce moment. Et il prépare un nouvel album. On continuera avec Sinful Love de Blue Oyster Cult en vinyle. C'est sur l'album Agents of Future, sorti le 21 mai 1976. On retrouve True Confession, Don't Fear the Reaper et Tattoo Vampire, du son culte. On continuera avec une nouveauté, Fast and Furious, avec non, pas ce soir, c'est un single d'un album à sortir en mars 2018. Je diffuserai d'autres morceaux et je sais qu'il contient, ce futur album, il contiendra un duo avec Fast and Furious et Les Crétins des Alpes. Moi, je sais pas vous, mais je le sens bien. On continuera avec License Fee Kill de Clinton Cousy Johnson, c'est sur l'album More Time, sorti en 1998. On retrouve Hurricane Blues, Poem of Shapes and Motion et Seasons of the Heart, un classique de chez Classic Reggae. Et on finira ce bloc en live avec Walking On de Slakers, c'est sur l'album Wasted Day, sorti le 20 février 2001. On retrouve This Is The Night, 15 et Fifth of a Slack. Moyen, n'a rien compris à l'affaire. Lorsque la vie Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Je suis

you fi ask Maggie Thatcher about the license fi kill, and you can ask John Major about the license fi kill. You fi ask Michael Howard about the license fi kill, and you can ask Jack Straw about the rule of law. You fi ask Tony Blair if him is aware or care about the license fi kill that plenty police feel them got. Vous êtes toujours dans la 99e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter La fille aux cheveux bleus, le nouveau Kurt. Sinful Love, en vinyle de Blue Oyster Cult. Non, pas ce soir. Le nouveau Fast and Furious. License Fee Kill de Linton Kwesi Johnson. Et Walking on Live de Stakers. On continuera avec La vie est belle, le nouveau Indochine. C'est sur l'album 13, leur 13e album, sorti le 8 septembre 2017. On retrouve Black Kai, Station 13, Suffragette Bébé et Trompe le Monde. On l'entend partout, mais moi j'aime beaucoup. On continuera avec un grand classique, et c'est une petite dédicace à Pat Kebra. Ça s'appelle Couleur sur Paris en vinyle, c'est d'Oberkampf, c'est sur le 45 tours Oberkampf, Couleur sur Paris. On retrouve Couleur sur Paris et Noir, Blanc et en couleur. On continuera avec un autre grand classique, Blueberry Hill de Fats Domino, c'est son plus grand succès. Écrite à la base par Al Lewis et Larry Stock, composée par Vincent Rose en 1940. D'autres versions existent, notamment d'Elvis Presley en 1956, Johnny en 1962 et Elton John en 2017. On continuera avec une autre nouveauté, Sorry Baby, le nouveau Diva. C'est sur un album qui vient de sortir qui s'appelle The Wild One. On retrouve Be Who You Choose, Murder Hand et Punk Is Dead. Allez sur la page Facebook de Diva, ils sont sur Bandcamp et ils sont sur le label Kebra Records. Et justement, un petit coucou à Pat au passage. Et on finira ce bloc en live avec J'ai avalé une mouche des Vampas. C'est sur l'album Kiss, leur 7e album, sorti le 20 mars 2000. On retrouve les Boeing, la Barba Papa et comme un punk en hiver notamment, un magnifique album. Je suis né ici pour n'être qu'avec toi, comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui sera, tu verras. Faire la vie, réussir au moins ça. Nous irions faire la nuit, aussi loin que tu pourras. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois, elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. La vie est belle, aussi belle que toi, elle te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Près de toi, la vie va trop vite, ton cancer est le mien. C'était pourtant si clair de finir avec toi. Ton sang est le mien, on ne fera plus qu'un. Avec toi, nous est belle mais cruelle parfois. Elle nous ressemble, toi et moi. La vie est belle, aussi belle que toi. La vie est belle mais cruelle parfois. Elle nous ressemble, toi et moi. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Avec toi. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Yeah. Vous êtes toujours dans la 99e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. La vie est belle, le nouveau Indochine, Couleur sur Paris, le nouveau dans vinyle de Oberkampf, Blueberry de Fats Domino. Et oui, c'était un vinyle, j'étais à petite surprise du chef. Ça croustille, ça craque, ça croquouille, c'est magnifique. On a continué avec Sorry Baby de Diva, le nouveau Diva. Et on a fini ce bloc en live avec J'ai avalé une mouche des Vents Passent. On continuera cette émission avec une petite nouveauté. C'est l'envahisseur.com de Morsen 43. Eh oui, je parle pas bien de ma musique et c'est vrai que j'en passe un peu de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que j'en passe, mais ça sera pas la dernière non plus. Donc c'est un single d'un quatrième album, l'album 4, qui sortira début 2018. Il y aura aussi Tête de Gong, Élection Déception, et entre autres Une Affaire à Suivre, Mina Bengi. Allez sur la page Facebook de Morsen 43, il y a un Bandcamp, il y a un YouTube, il y a tout qu'est-ce qu'il faut. On continuera avec une autre nouveauté, Rise the Mummies de AMPM, hein, j'en diffuse bien en ce moment. AMPM, je les aime bien. C'est un album à sortir à la fin de l'année. On retrouve Dictatorship of Fear, Ragged Broad et Wolf. Allez sur la page Facebook d'AMPM. On peut se procurer leur album chez Music Record. On continuera avec un autre grand classique, Gimme Back My Bullet de Lynyrd Skynyrd. C'est aussi le titre de leur quatrième album sorti le 2 février 1976. On retrouve Every Mother's Son, Trust et Double Trouble, notamment du son culte. Je vous gâte cette semaine en son culte. On continuera avec une autre nouveauté, Courage et Force de Cuffax. C'est sur l'album Another Day, sorti en juin 2017. On retrouve Rock the Place, Il ne restera rien et Never Give Up. Allez sur la page Facebook de Cuffax, C-K-U-F-F-A-C. De toute façon, je vous ferai le lien sur la page Facebook de l'émission. Et on finira ce bloc avec I'm Just a Guy en live de Alton Ellis. C'est sur l'album Live Working or a Groovy Thing, sorti en 1968. On retrouve entre autres Girl I've Got a Date, Rocksteady et My Willow Tree, du son extra culte. Reggae. L'envahisseur.com. Tel est mon nom de code. Je bosse comme un fou, mais je me fais plaisir. Je m'implique beaucoup et personne ne me baise. Je vis pour les indépendants du son et les petits groupes locaux. J'en ai même fait une web radio. Ces gros merdias nous prennent vraiment pour des cons. L'envahisseur.com, tout élément de code. L'envahisseur.com, tel élément de code. L'envahisseur.com, je travaille en freelance et je fais dans la com, loin des lois de la finance. L'envahisseur.com, je travaille en freelance et je fais dans la com, loin des lois de la finance. L'envahisseur.com, tel est mon code. Il y a aussi les assos qui font de leur mieux pour faire jouer les gosses ainsi que les vieux. Malheureusement, nous sommes cernés par des cassos. Personne ne comprend pour qui je bosse. Je m'arme de courage et de patience. Je patoche pas dans la fosse et je travaille en silence. L'envahisseur.com, tel est mon code. L'envahisseur.com, tel est mon code. L'envahisseur.com, je travaille en freelance et je fais dans la com, loin des lois de la finance. L'envahisseur.com, je travaille en freelance et je fais dans la com, loin des lois de la finance. L'envahisseur.com, tel est mon code. Je suis partout et personne ne me trouve nulle part. Pour la zig, je donne tout et je supporte pas les tocards. L'envahisseur.com, tel est mon nom de code. L'envahisseur.com, je travaille en freelance et je fais dans la com, loin des lois de la finance. L'envahisseur.com, je travaille en freelance et je fais dans la com, loin des lois de la finance. L'envahisseur.com, tel est mon nom de code. Nous sommes plusieurs sur le coup, même en y mettant tout notre cœur et en mettant tout en œuvre, on ne changera pas tout. L'envahisseur.com, je travaille en freelance et je fais dans la com, loin des lois de la finance. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Force, force, courage et force. debout dans l'action. Courage et force, ne pas se retourner. Courage et force, ne pas se lamenter. Courage et force, le danger c'est la peur. Courage et force, la maladie la mort. Courage et force. Hey, hey, hey, hey. Courage et force. Hey, hey, hey, hey. Courage et force. Courage et force, plus que toutes vos convictions. Courage et force, non ce n'est pas une opinion. Courage et force, c'est ce qu'on appelle l'intention. Courage et force, ne pas se retourner. Courage et force, ne pas se lamenter. Courage et force, le danger c'est la peur. Courage et force, la maladie la mort. Courage et force. Aïe, aïe, aïe, aïe. Courage et force. Courage et force. Courage et force. Every day, hear somebody say you better. trust the guy who will do likewise. You do that too. Yeah, yeah, yeah, hey. I hear rumors about you every day, yes. Hear somebody, somebody say you better leave and go away because look at somebody say, old King Cole was a merry old soul. A merry old soul was he. He brought his own and all his charm because of vanity. Vanity, well, well. Vanity, well, well. Vanity, well, well. Vanity. Song here. I think you all know it. And if you know the song, please. Nous venons d'écouter l'envahisseur.com de nouveau Morsen 43, Rise of the Mummy, le nouveau AMPM, Gimme Back My Bullets de Lynyrd Skynyrd, Courage et Force, le nouveau Cuff Fax, et on a fini avec, en live avec Just a Guy de Alton Ellis. J'adore Alton Ellis, c'est un vieux de la vieille celui-là. Cette 99e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Donc la semaine prochaine, une petite centième à la cool. On finira cette émission avec Too Close d'Alex Clar. C'est sur l'album de Lightness of Hour, sorti le 8 juillet 2011. On retrouve Up All Night, Treading Water et Tide Drop, un excellent album. Et je le dédicace à Mélissa qui partage ma vie depuis 4 ans. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu! not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. But there's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways. And it feels like I am just too close to love you. So much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do. I'm nothing to give. I must live without you. You know we're heading separate ways. And it feels like I am just too close to love. On my way.